tout bagage. L'utilisation des téléphones portables est interdite après la fermeture des portes de l'avion. Prenez soin d'éteindre votre téléphone portable avant de le ranger.